tranquille, car je suis vraiment trop habile. Avec le micro, je te rends accro. Et gros, secoue-toi, dis pas que t'es KO. On est qu'au premier rang. J'pose ma rime comme je l'imagine. Film en raffiné, ce film avec mine. Clean, quand je chin-chin. Souvent dans la nuit, c'est que chin-chin. Y'a des pièces dans mon balcon et olé. Champagne coule à flot de temps. Y'a des bons, des bruits et même des truands. Ce soir, tout le monde s'entend. Sur le X-Side, pas l'ambiance. Phoenix au mic, tu kiffes, c'est de la bonne mec. J'te garantis que sur ma cycle, t'es de bouche à en devenir crazy. Avec mon laisse, mon style, je ris quand je pose ma rime. Bouge à sa. Tu sais que je représente Paris. Reste vrai pour mon douche à l'île. C'est F-E-L-X. Dis qu'est-ce t'attends pour venir sur la piste. Hip hop au top niveau. Quand j'chope la balle, j'mets la barbe et oh. C'est en ou pas. 2002, c'est le temps que je perfectionne. Pour ta collègue, mec, je confectionne un son de titan. Et tant que le flow est dansant, je sens que la nuit va être longue. Chaque seconde, on est sur la même longueur d'onde. C'est du X-Side. Phoenix au mic, tu kiffes, c'est de la bonne mec. J'te garantis que sur ma cycle, t'es de bouche à en devenir crazy. Avec mon laisse, mon style, je ris quand je pose ma rime. Bouge à sa style. Yeah, come again. Point D.